Chapitre 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Puis je vis des trônes. Ceux qui étaient assis dessus reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés parce qu'ils avaient annoncé la vérité révélée par Jésus et la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ni son image, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et particulièrement bénis sont ceux qui ont part à cette première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations répandues dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre, et ils encerclent le camp du peuple de Dieu et la ville aimée de Dieu. Mais le feu descend du ciel et les détruit. Alors le diable qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète ont déjà été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y est assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et on ne les revit plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi les morts qu'ils gardaient. Et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac de feu. Ce lac de feu est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom écrit dans le livre de la vie fut jeté dans le lac de feu.